Comme en aimant le cœur devient pusillanime, que de tristesse au fond, et d'angoisse, et d'effroi, je dis au temps qui fuit, arrête, arrête-toi, car le moment qui vient pourrait comme un abîme s'ouvrir entre elle et moi. C'est là l'affreux souci, la terreur implacable, qui pèse lourdement sur mon cœur oppressé. J'ai trop vécu, trop de passé m'accable, que du moins son amour ne soit pas du passé.